que ça fonctionne. Donc, je vais attendre. Ah bon. Ah bon, bon, bon. Ah bonjour Clémentine, Jean, Marie-Jeanne. Acide. C'est de l'acétisme. Moment présent. Clémentine, Pommelin, Lindus. Bon, OK pour le son. Bon, pour l'image, je ne peux rien faire. Le son fonctionne. Bonjour, Nat. Donc, bon. Je n'ai pas grand-chose, là. Je veux dire, j'espère que vous allez m'aider un petit peu, parce que je n'ai pas vraiment bon de... Bonjour, Jean-François. Le son est parfait. Bon. Je vais être obligé de prendre mon patente, là. Mon micro. C'est un plaisir de t'entendre. Bon. Ben là, je t'inquiète. Je me dis, voyons, je ne sais pas ce qui est arrivé ce matin. Mais là, mon autre micro, je pense que, bon, j'ai de la misère avec. Ça ne fonctionne pas toujours. On va mettre ça de côté. Donc, bon, est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a des choses? J'ai pas de nouvelles. Je vous propose de faire un live avec Mona et David. Oui, j'aimerais bien. J'ai pas de nouvelles encore. Bon, David est peut-être en ce moment nouvellement père, ben j'espère. Puis, bon, on va attendre des nouvelles. Puis, bon, ben, on verra si ça peut se faire. C'est certain que ça peut se faire. Ben oui, ça fait des années que j'aimerais bien qu'on fasse un live. Pas un live, mais un enregistrement avec Mona. Puis, j'ai jasé avec l'oiseau moqueur hier. Ça a duré 4h30 de temps. Si je pense que si son cellulaire avait pas vidé sa batterie, on serait encore à jaser. Donc, là, bon, est-ce qu'il y a des sujets, je veux dire, que ça vous tente de jaser, là? Les réponses de Mona, oui, je l'ai vu ce matin. Ben oui, à un moment donné, là, il va peut-être falloir que j'aille me promener dans les plus... que j'aille vers le sud un petit peu, va falloir... L'oiseau moqueur, sa vidéo est bloquée, laquelle? Ah oui, pas sa super bonne vidéo avec Céline Dion. Ben là, bon... Ah, YouTube, hein? Bon, ben... La dernière... Ah oui, j'ai écouté avant-hier, là. C'était... Bon, vous savez que j'ai une mémoire... Aimerais-tu faire un live avec Philippe Jeanneroc? Je ne sais pas c'est qui. Je ne le connais pas. Je n'écoute pas grand-chose, hein, dans le fond. Je ne les connais pas toutes. Souvent, je suis surpris qu'il y en a tellement, là, des gens puis, que je ne connais pas. Puis, bon, ça m'apprendra aussi à écouter surtout des conneries sur YouTube. Qu'est-ce que je regardais hier? Je repensais à l'actrice qui joue dans... il y a une seule bonne actrice dans le film Les sorcières d'Eastwick, là, de 1987. Elle s'appelait Patricia, je ne sais plus trop. C'est elle là, qui pète une coche dans l'église puis qui se met à vomir des noyaux de cerise à un moment donné. Quelle bonne actrice, pareil. C'est toute une performance. Puis bon, je ne sais pas, j'ai réécouté ça hier quand j'ai moi-même manqué de batterie. Puis là, ce matin, c'était encore ça, parce que ça a coupé, puis je suis allé me coucher. Je me suis couché à 4h du matin, ce qui ne m'arrive pas d'habitude. Mais je me suis levé vers quand même de bonne heure. Ben, de bonne heure. Ben, moins de bonne heure que d'habitude. Cet après-midi, ils ont bloqué sa vidéo. Cet après-midi, à l'heure de la France, là, on est encore l'avant-midi ici. Moi, ouais, ben, on se fait encore censurer pas mal. Mais là, c'est spécial parce que je l'ai écouté hier, puis j'ai rien vu de grave, j'ai rien vu de... C'est un Français de France ou Belge, mais je ne suis pas totalement certain. OK. Mais vous parlez de qui? Ah, le Jeanneroc, là. Jeanneroc, ou je sais pas, là, je me rappelle plus. C'est ça, là, Jeanneroc. Je le vois même plus. Voyons, je suis donc bien perdu. Mais OK. Oui, bien, c'est ça. Il faudrait que j'aille voir de quoi il est question, premièrement. Parce que, bon, des entrevues, Je m'imagine pas faire des entrevues avec tout le monde, là. Prenez, même à un moment donné, il avait été question que possiblement que ça se pourrait à un moment donné que j'ai des nouvelles de Glenn. Puis moi, j'avais averti, la réponse d'avance, c'est non. C'est pas j'en ai pas la vibration, ça me tente pas. Philippe Jean-Roch a une chaîne YouTube, moi, c'est ce que je pensais, là. Donc, bon, moi, je pourrais aller voir là, de quoi il est question, là, sur sa chaîne, ce monsieur. Donc, est-ce qu'il y avait des sujets. Ces temps-ci, les choses qui font jaser, à mes yeux, c'est un peu. Ça détourne un petit peu l'attention. Donc, bon. Mais là, c'est drôle, hein? J'aurais peut-être dû faire ma petite revue de presse parce que peut-on s'attendre, selon toi, à des proches de normalité dans la dystopie généralisée qui s'installe? Des poches de normalité, au moins. Ben, ça risque d'être des poches réactives à la normalité, la normalité. Comme il y a quelqu'un qui m'avait écrit, ah, Pierre Blanchette, c'est un homme supérieur. Mais vous savez, nous vivons à une époque où quelqu'un de supérieur, au fond, c'est quelqu'un qui reste quand même dans une certaine normalité. On vit dans une espèce de, comment je pourrais dire ça, de dystopie tellement décadente que, bon, quiconque a réussi à conserver une certaine normalité est supérieur au contexte, là, sans. Dozu, Mani, ils font un live de 24 heures, regardez après ce live. Ah, c'est encore des gens que je connais pas. C'est là que souvent, bon, je me rends compte que ben, je ne suis pas vraiment de la dissidence au sens où on l'entend aujourd'hui, même pas du tout. Je les connais, mais je connais personne. Puis aussi, bon, je manque peut-être de curiosité. Ça, c'est bien possible. Puis, bon. Là, vous avez vu, ils veulent qu'on. C'est l'austérité énergétique au Québec pour y aucune raison, au fond. Comme si on était entre l'Allemagne et la France. Comme si on était. Ils parlent de la situation santé. Ah, moi. Ben, vous savez, j'ai jamais trop trippé, moi, sur les affaires médecine alternative, là, puis ces choses-là. Bon, je peux dire dans le sens que je connais pas tant que ça, là. Puis, bon, c'est des sujets, oui, c'est intéressant, mais bon, je suis un petit peu. La sobriété énergétique, je pense que nous avons été en étude durant le couvre-feu pour savoir combien ils ont besoin de garder d'électricité, moi. Pensez-vous que Pierre Fitzgibbon va prendre juste une douche par semaine? Hein? Lui qui. Ah, ça donne à la chasse aux fesses. Hein? Puis, c'est rendu aujourd'hui l'idée d'éthique, puis d'essayer de. Par rapport à la collusion, puis ces choses-là. C'est incroyable comment ils sont décomplexés. Pierre Fitzgibbon, quand il est devant les caméras, puis que c'est plus gros, c'est pas grave qu'il y ait une enquête d'éthique, puis il va y en avoir d'autres. Savez-vous à quoi il me fait penser? Il me fait penser à John Gotti quand il gagnait tous ses procès, puis qu'on l'appelait Don Teflon. C'est à ça qui me fait penser. C'est ça aussi, d'une certaine façon, on a affaire vraiment à. Moi, à mes yeux, le monde politique, c'est le monde interlope, c'est le top de. Bon, il y a d'autres choses plus haut, mais il reste que, bon, c'est des mafieux. C'est des mafieux, puis, bon, ils sont d'une arrogance, vraiment, là. En tout cas. Mais Pierre Fitzgibbon, là. Maudit que. Ils font des expériences sur nous et notre soumission. Ben oui. Prenez ce qui est arrivé, là. Il y en a qui pensent que c'est de la mise en scène, d'autres moins. L'affaire qu'il y a eu, la découverte, là, d'une. Ce qu'on pourrait appeler une loge flottante, là, qui avait des ossements par terre, puis tout. J'osais de ça avec l'oiseau moqueur hier, puis j'ai dit, ben ça se bat entre les loges, puis on dirait que c'est un petit peu une façon de nous montrer que. Les loges qui anciennement s'intéressaient à l'alchimie, puis à l'ésotérisme, comme Memphis Mishraïm, puis ces affaires-là, que dans le fond, c'est fini. Puis c'est comme, c'est une façon de nous montrer que ce qui a réellement pris le pouvoir, ben, c'est les loges comme, bon, les loges athées, comme le Grand Orient, ces choses-là, qu'eux autres, pour eux, à mes pense bien, là, pour ce qui est rendu maintenant, qui a pris réellement le pouvoir, ben, le top des sciences, c'est plus l'alchimie, c'est plus le mysticisme, c'est plus l'ésotérisme, ben, c'est l'hypnose, le contrôle mental, la psychologie de masse, ces choses-là. Puis on voit une sorte de passation de pouvoir au sens où ils sont en train de faire une sorte de petite purge, on dirait. Bonjour Virginie, Ariane, bonjour l'affaire. Balenciaga, c'est clairement une grosse manip de dissociation cognitive. C'est extrêmement grave. C'est quoi donc ça? C'est pas l'histoire, c'est pas une compagnie de vêtements, ça. Puis, bon, moi, je suis pas très au fait de ces choses-là, là. Je suis pas. Bon, la mode, je connais rien là-dedans, là. En tout cas, celle-là maintenant que je comprends pas, là. Fait que bon. Mais non, c'est quoi? C'est pas une marque de vêtements, ça? Ça me fait penser à. Vous vous souvenez, Céline Dion, là, nu, nu, nu, nu, là, je sais pas trop, là. Qu'elle envoyait de la petite poudre noire, là, sur des bébés qui devenaient non-binaires. Ah, des sacs. Ah, c'est-tu comme des sacs italiens, là? Des sacs à main. C'est quoi, ça? Parce qu'il serait fait. Bon. Ben, vous savez, c'est pas d'hier, hein, qu'il y a des choses comme ça. Je me souviens dans le temps, là, une ceinture en peau humaine, c'était autour de 8 000 $ américains. Une paire de souliers, c'était autour de 26 000 à 30 000. Puis bon, savez-vous dans quel coin qu'on pouvait avoir des objets comme ça? En Europe de l'Est, dans un pays que je nommerai pas, mais qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ce sont les 1 000 et 1 nuits. Ah, je sais pas. Danny Solange, Jordan, marque de luxe et prône la pédophilie. Ah oui, l'affaire, les petits toutous en BDSM, là. Ouais. Ouais, ça commence à passer décomplexé. Ça commence à. Non, non, ça, c'est vraiment une honte, là. Tellement que, bon, à un moment donné, la justice serait censée faire quelque chose. Puis, bon. Mais vous avez vu ça au Canada, les enfants dans une garderie qui s'identifient comme chat, ils vont dans une litière? Il y a une animalisation puis une régression des enfants, une chosification aussi. Puis ça, j'en parlais déjà il y a 10 ans, puis on riait de moi sur des forums, que moi, je disais n'importe quoi. Je l'avais vu, bon, on le voit venir, ben c'était, il faut être avec, là, à un moment donné. On l'a fait, le sac qui avait un article de loi, je sais pas trop, puis statistiquement, c'est impossible que ce soit un hasard, là. Hein? C'est comme quand les gens nous expliquent que l'évolution de la vie sur Terre, là, d'un point de vue darwiniste, c'est le hasard. C'est le hasard. OK. C'est comme s'il y avait eu, c'est comme s'il y avait eu une explosion dans une imprimerie, puis tout le papier, puis bon, ça avait formé un Moby Dick là, qui était tombé paf à terre. Bon. Sur une publicité, il y a le mot balle. Ben, ça me surprend pas, mais ça, c'est de la provocation, si on peut dire. C'est une façon de. Ça occupe les gens, hein? C'est des os à ronger. Ils font exprès. Ils font exprès. Puis c'est une façon de rire des gens. Tout simplement. Je le vois un petit peu comme ça, là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un culte à balle. Ben, je veux dire. Même ceux, des fois, qui s'adonnent à des cultes, puis ils ne se rendent pas compte que c'est complètement dénaturé, puis qu'ils comprennent même pas qu'est-ce qu'ils font, là. C'est exactement ça. Ils font des vêtements aussi. Balenciaga. Ah, bonjour, Louis. Bonjour, Martin. Moi, je reprends. En hébreu, traduction, c'est le roi Baal. Ah, OK. Pourtant, ça sonne un petit peu. Ben oui, mais comment. Mais en hébreu, comme. Ben, je veux dire, Balenciaga, c'est pas de l'hébreu, là. C'est même pas du yiddish. Ben, je sais pas comment je pourrais voir ça comme si je le regarde en hébreu. Balenciaga. Non, ça marche plus ou moins, il me semble. En tout cas. Personnellement, j'essaie de regarder moins de YouTube. Ça éparpille nos énergies. C'est du vampirisme. J'écoute de plus en plus des trucs de jardin. Niaiseux, peut-être me reposer. Ben, il n'y a rien de niaiseux au jardin, au jardinage. C'est possiblement l'activité la plus ancienne et la plus saine à laquelle on peut s'adonner, le jardinage. Ou prendre soin de végétaux. Bon, je veux dire, même à l'époque, les gens faisaient de la cueillette, puis qu'après, au niveau de leur. leur façon d'agir, puis de cueillir, ils s'arrangeaient pour que ça se perpétue. C'était déjà du jardinage. Donc, quand on le traduit, ouais, mais c'est l'affaire, je vois pas comment on pourrait traduire ça à partir de. Vous dites en hébreu. Mais faudrait que je me penche là-dessus. Mais bon, vous savez, le monde de la mode, bon, ça a toujours été. Prenez l'époque où la nature touchait la terre, moi. Ouais. Prenez l'époque Marie-Antoinette, là. Elle est entourée de vampires qui servaient de la mode, sa fascination pour la mode, pour lui. En tout cas. La mode, c'est jamais. Ça n'a jamais été un monde sain. C'est certain, c'est le monde des apparences, de la superficialité, un petit peu. Donc. En latin. OK, là, ça a plus de bon sens. Oui, je trouvais ça bizarre. Mais roi en latin, c'est rex. Faudrait que je me penche là-dessus. Balenciagas. OK. Ouais, même ça sonne comme une devise. Vous vous souvenez, là, les jetons gnostiques, là, les. Pas de yes. Ah, OK. Ah, bon. Faudrait que je regarde ça. Mais bien, franchement, le monde de la mode, là, c'est comme le monde de l'industrie musicale où. Bon. C'est des choses auxquelles je n'ai pas ben eu d'intérêt. La mode, c'est quelque chose à mes yeux, moi, que je me suis servi pour trier un petit peu. Un jour, j'écoutais un gars, une fille avec Guy Lepage, puis là, Sylvie Léonard demandait à Guy, elle lui demandait, elle dit, Guy, si j'étais une petite grosse là, de 200 livres, là, tu m'aimerais-tu pareil? Est-ce que tu m'aimerais quand même? Puis là, il se revirait vers elle, puis il dit, ben oui, puis moi, si je me peignais sur le côté, puis je me mettais des bas bruns, est-ce que tu m'aimerais quand même? À ce moment-là, puis ça fait longtemps, j'ai dit, ben moi, plus tard, là, puis même à partir de maintenant, je me peigne sur le côté, puis je mets du brun. Pour être sûr de ne pas être un gui, puis de ne pas me ramasser avec une maudite niaiseuse comme Sylvie. Ça a l'air fou, hein, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Bonjour à tous, bonjour Roselyne. C'est exactement ça, c'est détourner l'énergie, tout ça, à mon humble avis. Ouais, ben ça c'est des diversions, on dirait, ça divertit, ça occupe. Ça occupe les gens. Donc, bon, ça occupe les gens, puis même hier, je parlais avec l'oiseau manqueur, puis vers la fin, je parlais d'une affaire qui m'avait été rapportée, puis c'est des choses troublantes, donc c'est sûr que ça vient nous chercher. Au niveau de l'émotivité, d'un autre côté, on ne peut pas fermer les yeux et dire que ça n'existe pas. L'affaire, c'est que, oui, les gens, il y a des gens qui vont le faire, le travail, ils vont tout faire pour rendre ça public, puis c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire, mais bon, c'est un travail. Imaginez des gens comme, bon, prenez le Breton, Alexandre le Breton. Il y a un gros travail qui est accompli, mais je pense qu'il y a une partie que, je sais pas s'il s'en rend compte ou pas, mais il y a une partie que c'est un petit, que là, j'y crois plus ou moins. Mais imaginez comment c'est lourd. Les gens qui font ce travail-là, de rendre public ces choses-là, de gratter ces choses-là, comment c'est lourd, puis que ça doit être dur psychologiquement. Si j'étais tout le temps à me pencher sur ces choses-là, je finirais par être malheureux. Parce que c'est des sujets qui rendent malheureux. Guy a plus capable de l'écouter. Moi, j'ai jamais été capable. C'est possiblement même fortuit quand j'avais écouté ça. J'ai jamais été capable. Moi, je trouve que dans RBO, là, celui qui avait le plus de talent, c'est Bruno Landry. C'est lui qui a le moins bien réussi, là, un petit peu sa carrière. Mais Guillaume Lepage, là. En tout cas, ben, c'est correct, là, on va le laisser tranquille. Là, il me laisse tranquille. Ben, moi, c'est sûr que je suis rien pour lui. Mais bon, Bigre non plus. Ah! Bigra, ben oui, c'est l'oiseau manqueur qui est sorti, il se fait poser, il s'est fait prendre en photo qu'un N95. Dites-moi. Pourquoi, selon toi, Duhem et plusieurs conservateurs dénoncent les annonces de la CAQ, mais elle ne fait jamais le lien avec la oui? C'est quoi ça, WE? de la difficulté, là, je ne serais pas. Guy, c'est qui? C'est Guillaume Lepage, un producteur, là, qui est bailleur rendu maintenant animateur, producteur. Bon. Il y a aussi, je pense qu'il craint un petit peu, là. Ben oui, franchement. Ah, Bigra, oh oui. Mais lui, c'est quel. Lui, j'ai jamais, jamais, jamais, jamais, jamais été capable, dès ses débuts, dès la première fois que je l'ai vu. C'est l'air d'un fond de ruelle. Mais tu sais, je veux dire, on sent une certaine hypocrisie, comme si c'était. Bon. En tout cas. Mais il reste que, en plus, bon, l'affaire, bon, là, il y a leur show du refuge, j'ai jamais écouté ça. Je suis pas capable. Bon. Un précédent, le lien avec la WEF, c'est quoi ça? Vous voyez comment je ne suis pas au courant de rien. Alors, Berthold et tout le monde. Ah, Aloha, OK. Ah, bonjour, vous. C'est la première fois que je vous vois. Bon, il y en a peut-être qui ont vu que je me suis encore. En tout cas, j'ai décidé que je coupais Dark Emius, puis par après, il est revenu. Je pense que c'est lui, là. Il est revenu se défendre. Habituellement, les trolls, il y en a, j'ai coupé, puis je m'en occupe pas. Mais là. C'est différent quand c'est quelqu'un quand même qu'on apprécie quand même un peu. Puis... Ah, le World Economic Forum, ah. C'était quoi donc la question précédente? Si vous saviez comment. J'ai une petite tête, ok. J'oublie à mesure. Donc, bonjour Daniel. Ah, Monsieur Pinard. Hey, c'est pas vous, Monsieur Pinard, qui m'avez écrit Take care, je me rappelle plus. Vous voyez, j'ai une mémoire. Je connais pas l'oiseau, il a parlé d'une personne que je connais pas. Ah. Ah, je ne sais même pas à quoi vous faites référence. World Economy, Great Reset, moi. Non, c'est fait. C'est fait un moment que je suis pas venu en direct. Ah, ce qui, ça fait un moment que vous n'êtes pas venu, c'est parce que ça, j'ai une mémoire. Bon, il y en a qui seraient surpris de savoir à quel point je suis quelqu'un qui a au niveau cognitif, là. Je suis pas vite, hein, je suis vraiment pas vite, puis j'ai une mémoire de merde. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, mais bon. Bonjour Bertel, bonjour tout le monde. Bonjour, ah bonjour Steve. Donc, bon, est-ce qu'il y avait des choses? De quoi je parlais donc? Je pense que Man Over the Shape, c'est Dark Emist. Puis, bon, quand il écrit sous Dark Emius, il écrit d'une façon, puis quand c'est Man Over the Ship, il écrit d'une autre façon. Juste là, cette espèce de. Bon, j'ai de la misère avec ça. Mais bon, on va le laisser faire. Take care, c'était sûrement un malentendu. Ah oui, c'est vous. Ouais, c'est pour ça, c'est parce que des fois, il y a des choses, ça prête à interprétation. J'avais regardé ça, je me disais, pourtant, lui, il est gentil. Je me souviens, il avait l'air gentil. Mais non, c'était possiblement un conseil de. Bon, je fais plus ou moins attention, je vais être franc avec vous, là. Mais quand on a dit des choses comme j'ai dit, quand on était clair au niveau de ses positions comme je l'étais, on a take care. Si je me mets à take care, je vais être paranoïaque. Je vais être paranoïaque. Parce que même, je sais pas, vous connaissez la chaîne Supramental Bertol, des fois, il était inquiet. C'est attention, là, parce que c'est du monde, ils sont terribles complètement. Mais bien franchement, l'espace commentaire va se transformer en champ de bataille. Non, je pense pas. Pour moi, take care, ça veut dire prends soin de toi. OK, bah oui. Ouais, ici, de temps en temps, d'habituellement, là, moi, les fois où ça sort, ça, là, c'était bon. En voulant dire watch twist, c'est-à-dire. En tout cas, la dernière fois que quelqu'un m'avait dit ça, c'était un autochtone qui n'était pas content. C'était une façon de me dire, toi, là, je sais plus trop, une altercation à la porte d'un dépanneur. Donc, pourquoi Duhem évite de parler de l'Organisation mondiale et le plan qui permet de prévoir toutes les prochaines décisions? Parce qu'il veut. Parce que c'est un esti d'hypocrite, comme toute la gang. Je vais être franc, là. Moi, j'ai jamais eu confiance, puis vous le savez, en ce gars-là. Je l'écoutais à la radio, puis bon, je l'avais vu à depuis l'époque qu'il avait été président des Jeunes libéraux. Et bon, elle jouait dans Alien, le 8e passager. Qui est ça? Un duel, il jouait là-dedans. Ah, c'est lui qui sort de l'abdomen, là. Ah, je ne l'avais pas reconnu. Il y a de l'eau dans le gaz. Ah, ouais. Ah, oui, il commence à vous couper le. I. OK. Ouais. Ben. J'avais investi dans une compagnie de. Entre autres liées au gaz. Puis là, c'est souvent ce que ça va faire. Ça monte en début de semaine, ça redescend un petit peu à la fin. J'agis en conséquence, mais bon, ils mettent de l'eau dans le gaz. Ben, ça me surprend pas. Mais là, c'est parce que ça va créer des troubles de pression. Si c'est vrai, ça va créer des troubles de pression, c'est dangereux. Ça risque de. Bon, ben, c'est quoi? Ils veulent engendrer des. Les autres de ne pas fermer de centrale nucléaire. Moi, j'ai tout le temps été partisan du nucléaire. Non, j'exagère un peu, j'ai pas le temps de vous lire, Todd. Denis Salon Jordan, pour revenir à celui qui est en cause, je pense qu'il, elle, est un être souffrant. Bon. Ouais. Ben, c'est certain. C'est certain. Ben, vous savez, on a vécu des époques où les familles, ça fait longtemps que les familles sont attaquées, puis que le noyau familial, je veux dire, on a, les petits-enfants, les tout-petits, au niveau de leur développement, n'ont plus nécessairement un milieu rassurant, stable. Puis si vous regardez, prenez les pires cas, comme par exemple des criminels ou des gens extrêmement instables ou des tueurs en série, ou les choses récurrentes au niveau du milieu, c'est. Un père absent, une mère abusive, un milieu instable, des choses comme ça. Donc, il va y en avoir de plus en plus des gens souffrants. Puis, c'est comme un cercle vicieux, hein? C'est bon. C'est terrible, mais bon. Dark Chemist, il a laissé un com chez l'oiseau. Il explique sa souffrance qu'il vit. Pas dans une maison. Ben, moi non plus, je vis pas dans une maison. Je suis à loyer. Puis, en plus, la propriétaire est. Elle est plus pingre que moi. Puis les fenêtres ici, ça doit être à changer depuis au moins 25 ans. Puis elle ne les changera jamais. Elle ne les changera jamais. Ben, je me mets à sa place, puis je me dis, ben, elles sont encore potables, les fenêtres. Mais ben, je me mets à ma place, puis je regarde les factures d'électricité. Puis. Ouais. On l'est tous à un certain niveau, souffrant, certains plus que d'autres, moi. Mais l'affaire, c'est que on a été mal éduqués. Parce que vous savez, la souffrance, c'est de l'énergie, c'est de l'information qui va se transformer en énergie au niveau du nerveux, entre autres. Donc, la souffrance, on est censé s'en servir. C'est censé nous servir, mais on la bloque pour l'accumuler. Mais là, bon, dans mon cas, je ne peux pas dire que je suis en grande, grande souffrance, là. Je n'ai pas trop à me plaindre, dans le fond. Non, moi, c'est surtout de voir le contexte, de voir où on va. Puis de voir, bon, c'est sûr que, notamment là, pour les enfants, vous avez quoi comme chauffage, gaz ou autre chose au Québec? C'est presque toujours à l'électricité ou au bois. Chauffer au bois. Mais je pense qu'il y a bien des gens qui vont regretter de ne pas avoir de chauffage au bois. Moi, je regrette de ne plus avoir ma maison parce que j'avais une terre à bois. Puis jamais j'aurais, je veux dire, j'avais du bois pour des décennies. Bon, ben, coudonc, des fois, on fait des erreurs. Le pire, c'est qu'à mes yeux, c'était une erreur d'acheter cette maison-là, puis ça a été une erreur de la vendre après, puis finalement, bon. Oh, je ne savais pas. Ah. Mais, point, ici, c'est à l'électricité. Mais de toute façon, le Québec, c'est une. C'est hydroélectrique, le Québec. Mais là, on a des bandits, comme tout le monde. On a des bandits au pouvoir et puis ils veulent nous mettre à l'austérité. Ils disent, ah, ben, peut-être ça serait mieux de se laver juste une fois par semaine pour économiser l'électricité. Ben oui, comme ça, on n'était pas capable de. C'est impossible à se laver à l'eau froide. Il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'humanité qui a fait ça. Hein? Mais non, ça, c'est Pierre Fitzgibbon là, qui est. Lui, il va finir dans les poubelles de l'histoire. Dans les poubelles de l'histoire avec toutes les autres. Puis bon, dans le fond, là. Prenez Macron. Macron. Brigitte Macron, c'est le René Angélil de Macron. On l'est là, dans la nouvelle science des nouveaux groupuscules secrets, ben, dans le secret discret, qui ont pris le pouvoir au fond, puis qui ont tassé tous ceux qui étaient un petit peu mystico. Puis là, on est plus par des. Bon. Mais Brigitte Macron, c'est le René Angélil d'Emmanuel Macron. Sauf que, bon, la comparaison serait peut-être à nuancer un petit peu. Mais il reste que, ouais. Moi, puis je repensais, bon, je voulais pas en parler, mais Céline, là, son espèce de larmoyage, puis c'est indécent. Moi, je trouve ça indécent, là, qu'elle prenne sur elle, puis que, bon. Hein, Brigitte Macron, c'est la contrôleuse d'Emmanuel. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ben oui, elle a la formatrice aussi. Bon. Brigitta, sa prof. Ouais. Mets du plastique sur les fenêtres et garde hein, pas pour avant. Les fenêtres sont tellement finies qu'ils décollent. Va falloir que je mette du ruban gommé. Parce que même avec le séchoir, il faut faire fondre hein, le ruban de colle. Puis bon. Ben non, je les connais, hein, les trucs. Oubliez jamais que je suis d'une pingrerie assez surprenante. Donc je les connais, les façons de. Mais bon. Si ça continue. Ce qui arrive, c'est que des fois, ici, derrière, la neige monte tellement qu'il fait moins froid. Parce que ça monte le long. Bon, ici, c'est un solage, ça doit être des plaques de béton. Puis, bon. Puis, quand il y a de la neige là, qui arrive à peu près à la moitié du mur, ici derrière, là c'est beaucoup plus. C'est moins difficile à chauffer parce que la neige est un bon isolant thermique. Donc, bon. Céline, c'est du théâtre, bien certainement. Je suis prêt à admettre que c'est une bonne chanteuse, mais c'est une très, très, très, très mauvaise actrice. Désolé. Quel est ton regard sur le satanisme du point de vue des intelligences systémiques? Ah, c'est parce que d'une certaine façon, bon, ça serait moins, ça revient lourd, là, ça tomber là-dedans. Mais à mes yeux, le satanisme, il y a, du point de vue des intelligences systémiques, là, ça devient complexe, là. Dans le sens que, bon, je ne me sens pas en résonance bien, bien, là, avec la question, mais. C'est sûr que le systémique, moi je trouve qu'il y a quelque chose au niveau de ces intelligences-là qui est cynique. Qui est cynique. Puis ils vont dire, ben la lumière, ça sort de l'ombre, blablabla. Ben oui, mais à un moment donné, c'est inhumain. Il y a combien de centimètres de neige chez vous? En ce moment, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Ça va bien au-delà du bien et du mal. Moi, ça vaut au-delà de la polarité psychologique, en tout cas. Mais le cynisme des intelligences qui se cachent derrière les forces de vie. Puis, prenez les champignons. Les champignons sont dominateurs. Pas au sens où nous, on l'entend psychologiquement, mais au sens, si on regarde d'un point de vue des forces systémiques, les champignons sont dominateurs. Prenez les cordyceps. Ils vont prendre le contrôle du système nerveux d'un être qui leur est supérieur, au fond. Puis ils vont pourtant. C'est comme ça que ça fonctionne, l'astral. C'est un peu comme des spores de champignons qui vous parasitent, puis ça finit par prendre le contrôle de votre système nerveux. Ben, c'est ça un petit peu ça, là, aussi, ce qui fait qu'il y a du satanisme. Dans le sens que, bon, on est parasité. Prenez à un moment donné, genre, ben là, maintenant que Daniel Ménard est décédé, on peut en parler un petit peu. Il y a deux branches dans le supramental. Il y a ceux qui vont considérer les entités comme juste de l'entétisation totale. Oui, mais maintenant, ça risque que ça peut avoir une volonté propre, volonté entre guillemets, là. Puis Ménard, lui, des fois, ben, lui, c'était de confronter, hein. Des affaires que la personne ne sait pas, que ça la parasite. Puis c'est pour ça qu'il y avait une enregistreuse sur son bureau. Puis des fois, ben, une petite madame de 100 livres, il l'enregistrait en entrevue avec elle, puis il provoquait ce qu'il y avait derrière, si on peut dire. Puis après, il faisait réécouter. Puis souvent, la dame, elle disait, ben, c'est pas ma voix, j'ai jamais dit ça. Il dit, ben là, je t'ai enregistré. Hein. Donc, le satanisme, c'est de l'inconscience. Puis, c'est un, bon, anti-vie, ouais, un 0CM à Montréal. Oui, je sais, mais ici, il y a de la neige. Il y en a pas mal. Là. D'ailleurs, il a fallu que je pelte, mais là, c'est... Il n'y en a presque pas, elle a fondu. Ah, ben ici, on en a plein. 0CM à Victoria, Canada. Ah oui, si vous êtes à Québec, au Québec. Oui, OK. Au Québec ou à Québec? Es-tu dans le coin de... Ça dépend. Tu sais, il y en a des fois, c'est difficile de faire la différence. Il y a une différence entre être au Québec et à Québec. Si vous êtes à Québec, vous êtes au Québec. Mais si vous êtes au Québec, vous n'êtes pas nécessairement à Québec. La région de Québec étant la capitale nationale, la région de la capitale nationale. L'affaire, c'est que, bon, notre capitale porte le même nom que la province. Ah, Lanaudière. Non, Lanaudière. C'est ça. Notre capitale porte le même nom que la province. Donc, ça devient des fois, ça devient... Il y a de la confusion. À un moment donné... En tout cas, il y avait eu une tentative de fraude ici par téléphone, puis c'est clairement quelqu'un qui ne faisait pas la différence entre le Québec et la ville de Québec. Donc, je lui ai dit à la personne, il dit, ben là, t'es bien mauvaise fraudeur, madame. Vous êtes une mauvaise fraudeuse, vous ne comprenez même pas le terrain dans lequel vous opérez au niveau tactique, c'est pas fort. Va falloir étudier un petit peu plus. Puis, mais d'après moi, vous serez mieux de changer de branche parce que vous allez vous faire arrêter. C'est évident. Je ne connais pas du tout Québec. Ah, mais moi, je considère que la ville de Québec, c'est la plus belle ville d'Amérique. Mais ça, bon, j'ai un parti pris. Moins 14 à Chicoutimi. Ah, bon, c'est le fun. Ben oui, mais c'est pas assez froid. Là. C'est pas encore. Je pense qu'il fait plus froid que ça ici en ce moment. Un petit peu, là, avec le vin, il doit faire proche moins 20, là. Le ressenti. Mais, oh, mais je me rappelle, quand j'étais enfant, il y avait des grands froids. Le son hein, du vent d'hiver, la nuit. Puis, bon, c'est quand même incroyable. Des fois, je pense au père de ma mère qui était colonisateur. Qui vivaient dans des maisons. Si vous aviez vu les maisons en papier brique, là. Les maisons en papier brique, avec la température qu'il y a ici. Il y a eu une époque au Québec, les gens parfois entraient les animaux dans la maison pour réchauffer la maison. Vous pouvez imaginer, là, c'est une question de survie. Il y a même eu une époque, il y a longtemps, dans la colonisation, à l'époque du régime français, les gens travaillaient nus dans les champs l'été. Tout simplement parce que, bon, c'est incroyable, c'est... En tout cas, ça prenait 6 mois à venir en bateau en Nouvelle-France. Puis, à la fin du voyage, les espèces de... Toutes les provisions étaient piquées de verre. Puis, les gens mangeaient les verres pour avoir de l'énergie. Il y avait de l'eau douce sur les bateaux, mais à la fin du voyage, elle était noire. Il fallait se pincer le nez puis avaler ça avec des cuillères, là, une cuillère à la fois pour s'hydrater. Vous pouvez, là, en tout cas, si c'est la plus belle ville, j'aimerais venir un jour, qui sait, peut-être un jour. Ouais, malheureusement, il y avait des fortifications du genre de Vauban qui étaient extraordinaires. Puis les Anglais se sont servis du prétexte de vouloir créer des perspectives pour en jeter une partie à temps. Ouais. Gang de. Bon. J'ai créé le site où il y aura toutes les archives regroupées. Ah oui, il sera bientôt en ligne. Ah, ben bien, merci beaucoup. Il va falloir à un moment donné aussi que j'y vois, là. Je pense que ça fait 4 mois que je n'ai pas été voir mes courriels, puis ça n'a pas de bon sens. Mais là, bon, j'ai manqué de temps, puis il arrive des choses. Question possiblement indiscrète. As-tu une parole à nous transmettre ton audience avec Léon XIII? Non, c'est un rêve vague. Je me souviens juste que j'ai discuté avec lui, puis c'était agréable, puis qu'il n'y avait pas de conflit. C'est juste des représentations. Puis, Isia, merci. Ben oui, merci. Puis non, puis je me suis réveillé avec. J'étais bien. Je veux dire, c'était étrange. Dans le fond, je n'accorde pas vraiment. L'affaire, c'est que probablement, c'est parce que justement, les jours avant, j'avais vu des images d'archives de Léon XIII. Donc, c'est sûr que ça s'est imprégné un petit peu dans mon psychisme. Donc, mais c'est pas, c'est un, ça, je trouvais ça intéressant, un rêve intéressant, assez marquant, mais pas détaillé comme d'autres rêves. C'était même, bon, c'était un petit peu, j'en ai un souvenir un peu comme vaporeux, un peu. Mais je me souviens de la douceur du personnage, puis comment qu'il n'y avait aucune antipathie d'aucune façon. Je me sentais pas attaqué ou jugé, ou ce qui est surprenant, là. Imaginez, en tout cas, quand on a vu à quel point il y a des gens agressifs là, dans certains milieux, bon, qu'on pourrait dire religieux, puis là, c'était complètement, ben même on sent des fois de la frustration. Alias David m'a dit qu'il l'annoncerait lors d'une prochaine entrevue avec Bertolt. Marie-Jeanne et alias David m'a dit que vous avez des nouvelles de David récentes? Parce que j'attends des nouvelles. Bon, pour voir que j'espère que tout s'est bien passé, là. Merci Isa pour ton initiative. Donne-nous le nom de ton site. Jetterai un œil ou deux. La nuit, on dort pas. On travaille, à mon avis, mais c'est inconscient. Bon, vous pouvez dormir consciemment. Vous pouvez. Ah oui. Il y en a qui. Pour David, le bébé devait naître le 12. Ouais, c'est ça, là. Ah, le 12, es-tu? Je pensais qu'il provoquait. Ah, ok, bon, ben, il doit être occupé. Il doit être occupé. Autre personne de qui j'ai plus de nouvelles depuis, je pense, même pas cet été, l'été d'avant, c'est M. Poirier. Je pense qu'il y a eu des ennuis de santé. J'espère que, bon, ça se règle quand même, là. Même si, bon, c'était toujours élégant. Ah, ça. Vous savez où je prends mes choses comme ça, là? Savez-vous d'où ça vient? Ça vient du comptoir familial. C'était probablement quelqu'un qui est décédé maintenant. Mais non, j'ai pris ça au comptoir familial. Mais ça, c'est quand c'est des chandails qui valent cher, ça. Une jolie loupe. Bon. Non, ben, ben franchement, là. Ben oui, c'est le look de presque quelqu'un qui fait des poubelles. Ben oui, il n'y a pas de honte à aller se magasiner des vêtements au comptoir familial. Ça doit faire une dizaine d'années que j'ai ça. David, sa fille, c'est pour bientôt. Ben oui. Ben oui, le nom du site s'appellera Diffusion Berthold, le feu de la parole, mais il n'est pas encore en ligne. Je suis en train de finaliser la transcription des lives. Ah oui, ben, c'est tellement de travail, c'est tellement de travail. Il va falloir à un moment donné, il doit y avoir un moyen, hein, de faire un don. Il va falloir à un moment donné que. J'ai le même questionnement à propos de M. Poirier. Oui, on n'a plus de nouvelles. D'un autre côté, s'il est en train de se battre, puis bon, c'est pas le temps de. Pourtant, il aimait ça, lui, donner des nouvelles. Mais bon, Isia, c'est super, oui. Sergio a de gros ennuis. On va tout. J'irai pas jusqu'à dire une connerie du genre c'est la vie, là, parce on faut quasiment se surveiller, on n'a presque plus le droit de dire ça, tellement que la vie est devenue absurde un peu. Isia, mettez un lien chez Berthold David. Ben oui. Oui, c'est un travail énorme, 9 heures par jour, tous les jours. Mais j'espère que, quand même, que vous avez des revenus d'appoint, là. Parce que c'est terrible, je voudrais pas. Ben, ça prend tellement. C'est beaucoup de temps, là, 9 heures par jour. Je veux dire, moi-même, j'ai jamais mis autant de temps. J'ai jamais accordé autant de temps au supramental, là. Ben, même si d'une certaine façon, bon, c'est 24 heures sur 24 à un moment donné, même Quand on dort, c'est encore là, je veux dire, c'est inscrit. Je vis avec le minimum, mais je ne suis pas toute seule. Ah bon, bon, c'est quand même. Bon, mais si vous êtes pas. J'ai parlé avec Sergio ce matin, il a de gros. Ah oui. Ben, je l'avais appris, c'est quelqu'un qui au Facebook, qui avait vu, bon, semble-t-il, c'est le pancréas, là, puis d'habitude. Mais on va quand même. Considérer que tout est possible. Là. Je veux dire, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Ah oui, ah, je pensais que vous étiez avec du monde. Ben, vous savez, je vais me sentir coupable dans le sens que ben, c'est certain que c'est pas ça qui va apporter un revenu, là. Mais je vais essayer. Je vais essayer dans quelque temps. Je vais m'arranger, je vais essayer là, pour. En tout cas, aider un peu. Là, je même un petit peu. Un moment, des fois, j'offre de l'aide à des gens. Puis, bon, ben, c'est comme supramental Bertold. Et, à un moment donné, je vais m'en faire. Bon, en tout cas, je suis ravi que ce soit OK. Je suis un émotif. Ah, sur quoi? Ah, par rapport à l'affaire Take Care. Ah oui, c'est correct. Pas de problème. C'est juste parce que c'était. Voyons, l'image est saccadée. Ouais, hein? Oh, je pense que j'ai des petits problèmes de diffusion, là. Isia, non, nous ne sommes pas seuls. Je te sens pas coupable. J'ai décidé de regrouper tout ce qui te concerne. Ben, OK. Ben, en tout cas, j'ai une certaine reconnaissance, là, c'est certain. Je ne sais pas ce que j'ai. J'écoute bien, mais quand j'écoute une vidéo comme celui sur la manifestation de l'intelligence de cette semaine, je ne comprends rien. Ah oui, ben, il n'y a rien à comprendre, vous savez. Il n'y a rien à comprendre. C'est simplement, bon, on vit dans un espace-temps. Puis même si jusqu'à un certain point, il y a certains, ce qu'on pourrait appeler les modèles, en dehors du temps et de l'espace, sont parfaits. Ça se manifeste dans notre plan. Il y a un processus de progression, semble-t-il, simplement à cause de la densité espace-temps. Mais d'une certaine façon, c'est comme si on était déjà rendu. Mais c'est comme si on était un germe de. Bon, en tout cas, je le voyais comme ça. La fille des sorcières des souhaits qui jouait dans Alien, le huitième passager. Ah oui, l'actrice, là. Comment elle s'appelle, donc, elle? Ben oui, mais c'est vraiment une bonne actrice. Vraiment, là. Puis, mais là, on ne la voit plus. Ça fait un bout de temps. Il me semble qu'elle a joué dans la petite maison dans la prairie, elle. Donc, moi, c'est quand elle pète sa coche dans l'église. L'affaire, c'est parce qu'elle passe pour une folle, puis c'est la voix de la raison. C'est la seule qui comprend ce qui se passe dans l'histoire, là. Jusqu'à un certain point, c'est un monde bien un petit peu comme ça, là. Marie-Jeanne, donc, Bertha, vous n'allez pas me bloquer. Ben non, pourquoi? J'ai pas de raison. C'est très rare que je fasse ça. Dès que le site sera en ligne, je le dirai ici lors d'un prochain live. Ah, ben parfait. Vous pouvez même le mettre en dessous de la dernière vidéo, n'importe quelle. Pas besoin d'attendre qu'il y ait un live là, si c'est prêt avant les lives. Donc, ça bug vous aussi. Ouais, ben, j'ai vu que j'avais des. L'image était saccadée. Donc, bon, si la transmission est trop mauvaise, je laisse trop des commentaires. Non, ben moi, je n'ai jamais trouvé ça. Le son coupe sur votre réponse. Ah oui, laquelle? Laquelle? Ça se peut. Mais des fois, on dirait que dépendamment de ce que je parle, ça influence la technologie, la machine. C'est comme hier, j'étais en train de dire quelque chose à l'oiseau moqueur, puis ça a coupé. Tellement je lui ai écrit, je dis, bon, on s'est fait couper. Mais c'était son batterie qui était finie. Ben, c'était son cellulaire que la batterie était. Oui, ça bug un peu. Ah, c'est bien possible. Mais bon, on arrive peut-être à une sorte d'heure de pointe là, pour YouTube, pour les serveurs. YouTube. Ça me fait toujours spécial quand j'entends les Européens, là, YouTube. Ici, je n'entends plus rien. Hein, quoi? Vous entendez plus rien? Ah oui? Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Bon. Là, il faut que je fasse un apostrophe. J'ai rechargé la page et ça marche. OK, bon. Je t'entends. OK. Ah bon, OK, d'accord. Ah bon. Parce que des fois, oui, j'ai tellement de problèmes. Ça a bloqué tantôt, mais là, c'est OK. OK. Bon, c'est ça, c'est l'heure de pointe pour les serveuses possibles. Les serveuses. Les serveurs, possiblement. Ça paraît-tu que j'ai travaillé dans l'hôtellerie? C'est rush pour les serveuses. Fermez et revenez si vous n'entendez pas. Ben, je vais bientôt devoir. Je vais arrêter. Là, d'habitude, je fais 1 heure. Puis, bon. J'essaie de faire à peu près 1 heure, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. De mon côté, c'est OK. Ah bon. Ouais, ben là. Ah, les serveurs. Ouais. Ben oui, des fois, là, je fais des petits lapsus. Les serveuses YouTube sont en grève. En tout cas, moi, ben, je me rappelle, je me souviens quand j'étais venu les premières fois que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube, c'était justement YouTube. Les gens commençaient à quitter la plateforme, puis il y avait du chiolage, que c'était plus comme c'était. Puis finalement, ben, c'est quand même bon. YouTube est resté YouTube, je veux dire, ça reste. Suzanne Blanquette avait une question sur l'arbre. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, je n'ai pas vu ça. Bon, un instant. Ben, je ne la retrouve pas. Clémentine, Clémentine. OK. Asset, Isia. Marilyn, Guy, Christophe, Danny, Marie, alias, Guy. Finalement, moment présent, j'ai pas vu. Désolé. Dax, message retiré. Pas le temps là, de vous voir. Moment présent, Suzanne Blanquette avait une question sur l'âme. Bon, ben, si vous pouviez la réécrire. Mais. L'âme est-elle différente d'une vie à l'autre? Ça dépend de ce que vous entendez par ça. Vous voulez parler d'une forme de vie à l'autre ou au niveau d'une métempsychose? Isia, je trouve que c'est extra que tu aies des diffusions Berthold d'un clin d'œil. Moi, Suzanne Blanchette, je me questionne sur l'âme est-elle différente d'une incarnation à l'autre? Ben, c'est parce que, vous savez, c'est un peu comme un disque dur, je veux dire, si vous. Vous changez l'information qu'il y a dessus, le disque dur est simplement un disque dur. C'est un peu pareil, là. Dans le sens, bon, il y a une illusion de différence, mais l'âme en tant que structure de base est la même tout le temps. Mais la même, c'est quelque chose de quand même assez impersonnel à ce niveau-là. Donc, nous, on le regarde psychologiquement. Donc, bon, en France, on dit YouTube et pas YouTube. Ouais, c'est parce qu'ici, c'est à force de. Bon. Parce que, étant donné que c'est en anglais, là. Mais des fois, c'est spécial. C'est un petit peu comme. Ben, prenez. Bon. Dark Images, puis. Man Over the Shapes. Man Over the Shapes, le choix du pseudo que je regardais, puis. Je sais pas, si ça avait été. Man Beyond. De shape au singulier, là c'est pas pareil. Mais man over the shape, c'est juste le. Donc, bon, c'est des petites choses comme ça qui font penser que je pense pas mal sûr que c'était la même personne. Mais bon, l'anglais, des fois, j'écoute des Français, puis là, ils vont dire des termes anglais, puis des fois, je me mets dans la tête d'un anglophone qui écoute ça. Puis je me dis, ils doivent penser que c'est en français, s'ils entendent. Réservoir apps, il dit pour YouTube, you à cause de la censure. Ah oui. Ouais, ben, c'est un peu comme dans certains milieux, là, savez-vous, le nom qu'on donne à la bourse. Ça, c'est des courtiers, là, qui appellent la bourse comme ça. Ils appellent ça le casino. Le casino. pourtant, ça n'a rien de casino. Savez-vous qu'est-ce qu'on m'a offert dernièrement? D'acheter des obligations de l'Ukraine. D'acheter des obligations de l'Ukraine. Il n'y en est pas question. Il n'y en est pas question. Les obligations, c'est censé être garanti, mais je pense que là, je vais laisser faire. Vous savez, là. Donc, non, je suis quand même éthique, hein, quand même assez. Sûrement plus que Fitzgibbon. Ben, franchement, là. Donc, hein, je vais devoir. Ah oui, du. Ah, attends. Le voyou, c'est un Pérou neuf, un style du gris du Gabon. Non, je ne vois pas dans. Tu investis toujours? Ben oui. Ben j'investis, mais je spécule à côté aussi. Parce que, bon, juste investir puis attendre, c'est plate. Il faut jouer un petit peu. Faut voir. Mais là, bon, je vais revenir des. Ça va pas bien, là. Dans le sens que je. En tout cas, même hier, je regardais ça. Hier, ben là, aujourd'hui, c'est fermé. Mais hier. Ah, un perroquet. Pardon. Ah oui, il y a un perroquet gris. Mais c'est pas en voie de disparition, ça. Puis c'était pas interdit de les faire. Développe si tu peux. Ben, sur quoi? De quoi je parlais, donc? Ah! Hier, bon, hier, c'était aujourd'hui, la bourse est fermée, mais hier, je regardais, puis il y a beaucoup de minières au Québec qui ont. Puis c'était étrange, hein? C'était. Non, le gris Gabon répète, imite. Ah, je me souviens. C'était à moi que vous parlez, je ne sais pas. Vraiment, investissement. Moi, ben, juste investir, c'est pas nécessaire. Je veux dire, il faut aussi spéculer un petit peu, là. Faut... Mais là, souvent, les gens, ils spéculent d'une façon trop dangereuse. C'est justement, ce n'est pas un casino. Ce n'est pas un casino, puis c'est rationnel, il faut être rationnel. Puis pourtant, c'est profondément irrationnel, tout ça. Dans le sens que, moi, je vois des mouvements que c'est irrationnel. Là. Je vois des mouvements d'investisseurs que c'est irrationnel. C'est celui qui est rationnel au point de voir l'irrationalité puis de prévoir les mouvements, là, ça devient intéressant. Mais si vous vous mettez à spéculer, mais faut avoir, mettez peut-être un cinquième. Vous jouez avec un cinquième de ce que vous avez. Puis quand vous atteignez un certain rendement, vous le retirez puis vous le mettez à côté. Vous remettez un cinquième. C'est un petit peu. Ah, Marie-Jeanne, je t'envoie. Ah, salut, bonjour. Je suis sur le bord là, de partir. Je connais un et le gris de Gabon et son perroquet aboie comme un chien. Oui, ils aiment imiter. Ben, c'est un petit peu comme. Il y a certains oiseaux qui émettent des tronçonneuses. Ou vous passez en dessous d'un arbre, puis vous entendez japper dans l'arbre, mais c'est un oiseau. Donc, bon. Ah oui, au casino, je vois la bourse, ben oui. Ben, c'est que, bon, là, il se passe des choses de... Ça regarde un petit peu mal, là. Des fois, j'ai l'impression qu'on... C'est comme... Bon, je veux pas faire peur, là, non plus. Je sais pas si... Il y a dernièrement, dans les dernières semaines, j'ai découvert un personnage que je pensais moi, que c'était une juive de New York. Ceux qui connaissent là, le cas Henrietta Green, là, Etty Green, j'ai toujours pensé que c'était une juive de New York. Eh bien, non. Elle venait pas de New York, c'était une famille de Quakers. Des Quakers. Puis j'étais très surpris. Vraiment très surpris. Mais bon, là, on n'est plus dans de la... On n'a pas affaire à quelqu'un qui était vraiment dans de la spéculation. Complètement autre chose. Mais quel personnage spécial. Mais je pense qu'il y a une grande partie de ce qui a été dit sur elle qui est pas vrai. Qui est de l'ordre de la légende. Mon anecdote préférée par rapport à elle, c'est à un moment donné, un homme voulait qu'elle lui vende une partie de ses actions dans je ne sais plus quoi, puis il était insistant. Puis il la lâche pas, puis il était insistant. Ben, elle avait sorti un revolver. je sais pas, elle barillait, puis elle avait dit « Vous avez 10 secondes pour aller vous faire pendre ailleurs. » Puis le bonhomme était parti à la course. Mais parce qu'elle avait la réputation d'être un petit peu folle, puis il avait possiblement réellement pensé que si dans 10 secondes, il était encore devant elle, que sa vie était finie. Mais surtout, bon, vous avez 10 secondes pour aller vous faire pendre ailleurs. C'est quand même intéressant. Il faudrait, à un moment donné, moi, ce que je comprends pas avec Hollywood, c'est que quand ils font des films sur la vie de gens qui, bon, ils prennent des gens pas intéressants. Ce serait intéressant un film sur Henrietta Green. Ce serait vraiment bon. Alors, ils pourraient même ça, mettre ça un petit peu genre horreur sociale, psychologique, là. Mais, bon... Et je trouve que, bon, les autres, ils manquent d'imagination, ils manquent d'idées. Puis Hollywood, dans le fond, c'est quoi? Bon, c'est une manufacture à résonance. C'est une... Mais Henrietta Green, ça ferait tellement... Ah, Trinity, c'est dommage, vous arrivez, puis je suis sur le point de quitter. Ah, bon, à la prochaine. Bonne journée. Ben, à la prochaine, tout le monde. Mais oui, je dois quitter, là. J'ai un petit problème de... Je vais aller me refaire un café, puis je pense que je vais déjeuner. J'ai pris ma petite potion là, du matin. Puis bon. Merci beaucoup, Bertel. Bonjour. Toujours intéressant. Bon, mais merci à vous. À plus. Oh, bébé. Bonjour. Puis merci à tout le monde. Puis, merci spécial, Isia. Puis, je devrais... je vais sûrement refaire... d'autres vidéos, là. Je vais aller dîner. C'est vrai, il est midi, là. Je me suis levé un petit peu tard. Bonjour, j'ai du mal avec la spéculation quand on voit les dérives et les conséquences. Oui, mais si c'est très rationnel, on ne sait plus vraiment de la spéculation. Ça devient tactique. Ça devient de la tactique, au fond. Les marchés sont un terrain, puis... À propos d'argent, j'ai entendu qu'il allait mettre en place de l'argent avec une durée de validité, on ne pourra plus épargner. Ouais. C'est pour ça que c'est important de voir venir certaines choses. Bon, en plus, bon, j'ai quelqu'un qui arrive. Donc, bonne journée. Au revoir. Comment ça que je ne savais pas que quelqu'un viendrait ce midi? Bonne journée à tous.